La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui mercredi, troisième moment de notre série consacrée à l'écrivain anglais George Orwell. George Orwell, dont l'histoire familiale et personnelle est très liée à l'empire colonial britannique. C'est en effet en Inde qu'il est né en 1903, car son père y travaillait comme fonctionnaire dans l'administration de l'opium. Et c'est en Birmanie qu'il passera 5 années comme policier au début de sa vingtaine, 5 années qui lui donneront le dégoût de l'impérialisme colonial et de la société de classe. Comme nous l'avons vu lundi, c'était avec Stéphane Malter dans une émission à retrouver en podcast. Mardi avec François Borde, nous avons parlé en première partie du roman 1984, puis de l'expression « décence ordinaire » fréquemment utilisée par Orwell, à qui Bruce Bégout a consacré un livre. Il était notre invité de seconde partie. Enfin demain, c'est d'un Orwell campagnard et retiré dans une île des Hébrides, dont il sera question grâce à la présence de l'écrivain Jean-Pierre Martin. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler de l'engagement d'Orwell et de son journalisme, en particulier d'ailleurs durant la guerre d'Espagne, nous sommes en compagnie de Jean-Jacques Rosa, spécialiste de la philosophie de Jacques Bouvresse, mais également de l'œuvre de George Orwell, dont il a préfacé plusieurs livres aux éditions Agone, ses chroniques des années 1943-1947, intitulées « À ma guise », une partie de sa correspondance sous le titre « Une vie en lettres », ou encore ses écrits politiques des années 1928-1949. Et on commence cette émission par une archive du grand écrivain et résistant Georges Samprin, disant son admiration pour le George Orwell, d'hommage à la Catalogne. Ce regard en arrière sur la guerre d'Espagne est très intéressant. Parce qu'il ne commence pas comme un discours dogmatique, ni historique. Il commence par des souvenirs presque physiques. Les odeurs. Le visage des gens, la fraternité. Il se poursuit par une mise au point sur les atrocités de la guerre auxquelles il a assisté. Et une mise au point qui ne laisse aucun doute sur son opinion, quelles qu'aient été les atrocités auxquelles il a parfois assisté du côté républicain, rien de comparable avec l'atrocité organisée et systématique de la terreur franquiste. Il évoque ensuite deux souvenirs très cinématographique. L'un dans la tranchée, où il est envoyé comme sniper, comme tireur d'élite, dans une tranchée avancée qui est à portée de fusil des mouvements de l'ennemi, et quelqu'un bouge dans la tranchée d'en face, il va tirer, mais tout à coup, celui qui est en face perd son pantalon. Et il ramasse son pantalon comme ça en courant, et il dit « Peut-on tirer sur un fasciste qui est en train de perdre son pantalon ?» Eh bien non, je n'ai pas pu tirer. Bonjour Jean-Jacques Rosa. Bonjour. Alors Samprin qui parle d'Orwell, c'est un grand homme qui parle d'un autre grand homme, de personnalités courageuses qui se sont livrées entièrement et au péril de leur vie dans le combat politique. Une réaction peut-être d'abord sur cette archive qu'on vient d'entendre. Alors ce n'est pas exactement un commentaire sur hommage à la Catalogne, mais sur un texte plus tardif, un texte de 1942 qui s'appelle « Réflexions sur la guerre d'Espagne ». Et qui commence effectivement par d'abord les souvenirs physiques, les sons, les odeurs et l'apparence des choses. Et c'est dans ce même texte que pour la première fois, Orwell expliquera que dans la guerre d'Espagne, on a raconté n'importe quoi sur les événements, on a raconté des batailles qui n'avaient jamais eu lieu et on a nié des batailles qui avaient eu lieu. Comme toujours pendant les guerres. Mais encore pire que jamais, il dit avec Koestler à ce moment-là que c'est la fin de la civilisation qui commence en 1936 avec... Et c'est dans ce même texte qu'il explique, oui, à propos de la Première Guerre mondiale, les historiens anglais et allemands sont pas nécessairement d'accord, mais il y a quand même des faits. Et là, il n'y a plus de faits. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, nous arrivons dans une époque où si le chef dit 2 et 2 font 5, eh bien 2 et 2 font 5. Et ça me terrifie plus que les bombes. Il écrit ça en 42 sous les bombes allemandes. Alors on va reparler évidemment de la période espagnole. Faire quelques généralités sur le rapport au combat politique de George Orwell. On a l'impression qu'il n'a pas été toujours bien compris, ce combat politique. Le psychiatre Jean-François Le Goff a même écrit dans son ouvrage « Des gens ordinaires » qu'Orwell était probablement l'écrivain du XXe siècle qui avait été le plus attaqué. Et pour quelle raison, selon vous, Jean-Jacques Rosard ? Je pense que Orwell n'a jamais cherché à plaire. Il a adopté, à partir de 1936, clairement une position socialiste. Il entre dans le camp socialiste, au sens large du terme. Il y restera jusqu'à sa mort. Mais il a passé son temps, à partir de là, à critiquer son propre camp, à dire aux gens des choses qu'ils n'avaient pas forcément envie d'entendre, et à rester indépendant. Il appartient pendant quelques mois à l'ILP, mais ça n'a pas véritablement d'importance. Et dans un de ses derniers textes qui s'appelle « L'écrivain et le Léviathan », un texte de 47 ou 48, enfin qui est contemporain de la rédaction de 1984, il explique même que quelqu'un comme lui doit se dissocier entre le citoyen qui peut très bien aller faire des basses besognes, et quelquefois en politique, il y a des choses un peu sordides, un peu moches, qu'il faut faire, y compris la guerre, par exemple, dans certaines circonstances, bien. Mais que l'écrivain, lui, doit rester indépendant, ce qui ne veut pas dire apolitique. Donc c'est un écrivain de gauche qui restera toujours de gauche, parce que aujourd'hui il peut être revendiqué par différents partis, finalement, sur tout le spectre politique. Mais il a ce qui est intéressant chez Orwell, ce qu'il faut comprendre, c'est la transformation qui s'est opérée, ou plus exactement, qu'il a opérée sur lui-même entre 1927, le moment où il quitte la police coloniale dans laquelle il s'est engagé entre 19 et 24 ans, parce qu'il était dans une famille de fonctionnaires de l'Empire, parce qu'il a dû lire, il a lu Kipling et qu'il a été nourri du mythe impérialiste anglais. Entre ce moment-là, donc 27, où écœuré par ce qu'il voit et par les formes d'oppression auxquelles il a participé, et puis, mais il y a tout un chemin pour aller jusqu'à Wigan, jusqu'à la petite ville ouvrière près de Manchester où il va vivre un certain temps chez les mineurs, chez les sidérurgistes. Et même Wigan, c'est un apprentissage aussi, ça n'est pas un aboutissement. Ça n'est pas un aboutissement, mais il dit dans lequel Wigan, le livre qu'il a tiré de là, il y a un long chemin de Mandalay, la capitale birmane, enfin une des grandes villes birmanes, et à Wigan. Et ce chemin est double. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois politique. Comment on fait un socialiste avec les os d'un blimp? Le blimp, c'est le colonel d'infanterie, allez les petits gars, chauvin, un peu tête, front un peu bas. Et il sait qu'il vient de ce monde-là, auquel il reconnaît par ailleurs certaines valeurs, notamment de courage, notamment d'acceptation d'esprit de sacrifice, qui sont des choses qu'il a toujours défendues, et qu'il a reproché à certains gens de la gauche intellectuelle de pas toujours reconnaître. Hein ? Comment on va de là jusqu'au socialisme, mais comment en même temps on devient écrivain ? Écrivain et journaliste aussi. Comment ça s'inscrit là-dedans, le journalisme ? Est-ce un journalisme qu'on peut qualifier d'engagé ? Et peut-être, pour commencer en particulier, dans ses chroniques qu'il a intitulées « À sa guise », qui étaient des chroniques qu'il publiait dans Tribune, qui était un hebdomadaire de la ligne gauche du Parti travailliste, Jean-Jacques Rosard. Alors, le journalisme a toujours été son moyen de vivre. Dès les années 33-34, il écrit et il vit de tas de petits boulots, mais il va s'installer petit à petit dans le monde politique dans le monde intellectuel et littéraire à travers le journalisme, en même temps qu'à travers ses bouquins. Parce que c'est un journalisme très littéraire. C'est pas un journalisme littéraire au sens où c'est un journalisme de recension beaucoup. C'est un journaliste de critique, il écrit énormément, c'est un travailleur acharné, il écrit certaines semaines, 3 ou 4 articles par semaine, et beaucoup de recensions d'ouvrages, aussi bien de romans que d'essais, il prend tout. C'est une espèce de socle pour lui, qui, à travers lequel d'ailleurs il va faire aussi sa culture politique. Ce qu'il y a de nouveau en 43, c'est que il est libre, c'est-à-dire qu'il est embauché par Tribune pour être une sorte de rédacteur en chef de la partie littéraire, parce que le journal en question était un hebdomadaire politique, mais il y avait au moins un tiers du journal qui était littéraire. Il y publie des nouvelles, il y publie un certain nombre d'auteurs, des poèmes, etc. Et puis, il a cette chronique à ma guise. Alors, à ma guise, c'est un genre de journalisme, c'est le feuilleton. Mmh. C'est le blog aujourd'hui, ou les carnets comme le bloc-notes. Le bloc-notes de Mauriac, comme disait Mauriac. Quelque chose qui relève de la conversation, il choisit ses sujets, 2 ou 3 ou 4 ou un seul quelquefois. Et évidemment, l'intérêt des chroniques tient à la qualité, à la personnalité, évidemment, du chroniqueur. Ce qui fait que les chroniques sont quelquefois, le terrain des mondains, des narcisses. Alors, c'est d'ailleurs ce qu'il a tendance à détester le plus. Tout à fait. Alors, comment lui fait-il pour ne pas s'adonner à cette idée de la chronique narcissique? C'est finalement de rendre, comme il le dit, les gens conscients de ce qui se passe en dehors de leur petit cercle. Alors, il y a deux manières de le faire. Il y a la manière du reportage. Vous allez à Wigan, chez les mineurs, vous allez en Espagne et vous racontez ce que c'est que de se battre dans les tranchées républicaines. Là, vous sortez les lecteurs de gauche et de classe moyenne de leur univers, vous leur montrez un aspect du monde, qui a évidemment des liens avec ce qui leur arrive à eux. Et il y a l'inverse qui est la chronique, qui est de raconter des petits riens de la vie quotidienne. Une discussion avec des soldats américains éméchés dans un bureau de tabac, les idées qui lui viennent pendant qu'il est en train de faire de la vaisselle et de patouiller, comme il dit, avec des lavettes et des bassines d'eau chaude, la morgue des boutiquiers partant de marché noir, etc., etc. Donc, à partir de petits éléments qui font partie du même quotidien, d'essayer d'ouvrir sur ce qui est en train de se passer. Il écrit entre 43 et 47. On est en pleine guerre. Alors, on est en pleine guerre. Il y a 2 salves précisément décrites de ces chroniques-là. La première, 43-45, les bombes s'abattent sur Londres. C'est le Blitz. Et puis la deuxième série, novembre 46, avril 47. Là, c'est le début de la guerre froide. Et c'est aussi le moment où les travaillistes anglais lancent un programme de nationalisation, instaure l'État-providence, tout cela se retrouve, digéré par la vie quotidienne d'Orwell dans ces chroniques-là. Alors, jamais au sens des événements politiques, de la politique politicienne. L'hebdomadaire est dirigé par Bevan, qui est le grand dirigeant de la gauche du Parti travailliste de ce moment-là, qui deviendra ministre en 45, ministre de la Santé, de la Reconstruction, avec lequel Orwell s'entend très bien. Mais il est entendu qu'Orwell, lui, ne fait pas l'édito. Il ne s'occupe pas de la ligne même, à proprement parler, du journal. Il parle d'un certain nombre de petits événements. Alors, par exemple, le moment où, à Londres, les jardins privés qui étaient fermés autrefois par des grilles de fer, ces grilles de fer ont été évidemment fondues pour faire des canons, etc. Et les jardins privés sont devenus publics, et les enfants des classes populaires peuvent aller y jouer. Et Orwell trouve ça très bien. Et puis sur la fin de la guerre, évidemment, les différences de classe se réinstallent. Et les propriétaires commencent à mettre des barrières de bois, etc. Et Orwell dit que c'est dommage. Et il y a évidemment un lecteur qui, c'est ça qu'Orwell attend, c'est un provocateur, Orwell. il y a évidemment un lecteur qui dit « Mais enfin, c'est normal, ce sont des propriétés privées, etc. » Et là, évidemment, Orwell, qui n'attendait que ça, revient à la charge en expliquant que les propriétaires de terrains à bâtir sont des sangsues qui ne servent strictement à rien. Il remonte jusqu'au mouvement des enclosures par lesquels l'aristocratie et la grande bourgeoisie britannique ont détruit les communs, les pâturages communs à partir du XVIe et du XVIIe siècle. Et il dit que si rendre la terre le terrain au peuple d'Angleterre, c'est du vol, eh bien vive le vol. Et, typiquement. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons d'Orwell, politique avec vous Jean-Jacques Rosa, politique et puis journaliste aussi. Il n'hésite pas à critiquer d'ailleurs ce que le journalisme en lui-même fait à la société et non, en particulier le journalisme privé qu'il qualifie de capitaliste. Pour lui, au fond, un bon journalisme, ce serait un journalisme entièrement nationalisé. Peut-être pas, mais il y a une chronique à ma guise dans laquelle il prend un journal de 37 ou 38. Il regarde comment il est fait, toutes les futilités et tous les mensonges qu'il y a dans ce numéro. Je ne sais plus si c'est le Times ou je ne sais plus quel est le journal en question. Et il dit, si aujourd'hui votre fils est en train de se battre en Italie et de risquer sa peau, et si aujourd'hui vous manquez de café, vous êtes dans le rationnement, etc., c'est à cause de cette presse-là qui vous a trompé sur la réalité, qui ne vous a pas décrit le monde tel qu'il est. Mais en même temps, alors ce qui est intéressant dans ces chroniques, c'est qu'il ne se contente pas de parler de l'actualité, il lui arrive de parler du passé et de sa propre expérience. Mmh. Vous avez fait entendre hier un texte que moi j'aime beaucoup, qui est un texte des derniers à ma guise, donc un texte du début 47, dans lequel il raconte comment 25 ans plus tôt, un quartier maître, un chef d'équipage dans le bateau qui l'emmenait en Birmanie, était obligé de mendier des restes de repas des passagers que lui filait en douce le steward. Et il décrit l'espèce de honte avec laquelle se déplace sur le pont cet homme dont dépend la vie du bateau, dont dépend la sécurité des passagers. Et il dit à ce moment-là, ce petit événement m'en a appris plus que des paquets de tracts socialistes. Et ça, c'est quelque chose de très important chez Orwell, c'est-à-dire que, Samprin a raison, il n'y a pas de doctrine chez Orwell, il n'y a pas de théorie. C'est une raison pour laquelle, d'ailleurs, les philosophes en général, enfin les philosophes français, pas les philosophes britanniques ou américains, mais les philosophes français en général, toutes tendances confondues, méprisent Orwell ou ne s'y intéressent pas beaucoup. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de doctrine. Il se contente de montrer, au fond. Mais il essaie de tirer des leçons de l'expérience qu'il fait et de ce que j'appelle, moi, les expériences politiques. Mmh. C'est-à-dire que l'expérience politique, c'est par exemple l'expérience d'être en position de dominant, d'être en position de pouvoir, comme il l'a été quand il était un flic colonial et qu'il était amené à taper les gens, bon, et à les écrabouiller sous le joug colonial. Ou bien l'inverse. L'expérience inverse qu'il a faite très délibérément, quand il se retrouve avec les clochards et les cheminots dans les asiles de nuit, et où là, il s'aperçoit que finalement, dans ces situations où on lutte pour la survie, eh ben, il y a une humanité commune et une espèce d'égalité. Et ça va être la même chose, on va parler tout à l'heure d'hommage à la Catalogne, ça va être toute la même chose en Espagne. Ce qui l'intéresse en Espagne, c'est pas les grands débats entre trotskistes, communistes, anarchistes, etc. Il en est très peu question dans hommage à la Catalogne. Ce qui l'intéresse, c'est les deux expériences majeures qu'il a faites à ce moment-là, c'est-à-dire d'une part celle de la fraternité et de l'égalité absolue dans les tranchées. On lira peut-être le texte tout à l'heure, enfin on verra. Et puis en même temps celle de la terreur, quand il se retrouve à Barcelone, pourchassé, traqué par la police, parce qu'il a ce qu'elle a combattu dans les milices du Poum, et que par conséquent, il est coupable puisque à cause de cela. Donc au fond, Jean-Jacques Rosa, pour Orwell, il n'y a pas de politique qui existerait en dehors de l'émotion, en dehors du ressenti par soi-même d'une situation. Finalement, la politique, c'est quelque chose d'extrêmement physique. Est-ce qu'il y a ici un anti-intellectualisme aussi, ou en tout cas un certain mépris pour la politique en chambre, par exemple? Alors pour la politique en chambre, très certainement. Et notamment pour tous ceux qui tiennent des discours politiques dont ils ne sont pas prêts à payer le prix ou les conséquences. Mmh. Il y a des textes où Orwell dit « Mais si vous dites que vous voulez A, mais que vous ne voulez pas la conséquence de A, ben c'est que vous ne voulez pas A. Si vous dites que vous voulez A et que vous ne voulez pas les moyens de A, ben c'est que vous ne voulez pas non plus. » Et il y a une chose intéressante, il parle presque jamais de théoriciens politiques, il parle de Marx de temps en temps, mais très peu. En revanche, il avait chez lui une collection de 1200 à 1500 brochures politiques. Ouais. Ça, il connaissait par cœur. Trotskiste, communiste, le etc. concret, justement, de la politique. C'était le concret de la politique. Ce dans quoi les gens sont prêts à s'engager. Quelles conséquences va avoir ce qu'ils entreprennent. Et c'est ça qui l'intéresse. C'est un penseur de la volonté, Orwell. Et puis aussi, quand il prend le taxi en 1936 et que le chauffeur de taxi le prend pour un anglais snob et qu'il y a une dispute qui s'engage, il y a un tournant tout d'un coup dans la pensée d'Orwell qui a compris quelque chose par son corps, par son émotion. Alors, ça passe effectivement par le corps et par l'émotion, mais en même temps, ça demande souvent du temps. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce fameux texte dont j'ai parlé de l'histoire du quartier maître dans le bateau, c'est que cette scène se passe en 1922 et soudain, en 1947, en février ou janvier 47, 25 ans après, Orwell éprouve le besoin de raconter ça. Et dans Hommage à la Catalogne, on va retrouver ça. Il dit, sur le moment, oui, c'est des sensations, c'est des impressions, c'est un sale moment, il y a plein de souffrances, le corps est souffre de tous les côtés. Mais finalement, c'était un moment enchanté, va-t-il dire, un moment magique, parce que justement, il y avait cette fraternité révolutionnaire. Et à ce moment-là, je ne l'ai pas vécu comme ça sur le moment. C'est après que, et le travail d'écriture joue son rôle évidemment là-dedans. Ce que j'ai voulu surtout faire pendant ces 10 dernières années, c'est transformer l'essai politique en art. Je pars toujours d'un sentiment de fraternité, d'un sens de l'injustice. Lorsque je m'assieds pour écrire un livre, je ne me dis pas « je vais faire une œuvre d'art ». Je l'écris parce qu'il y a quelque part un mensonge que je veux dénoncer, un fait sur lequel je veux attirer l'attention, et je tiens d'abord à trouver une audience. Et si j'examine mon œuvre rétrospectivement, je crois qu'invariablement, c'est quand il me manquait un but politique que j'ai écrit des livres sans âme, et que je me laissais aller à des paragraphes redondants, des phrases sans signification, des adjectifs inutiles, et un manque de sérieux. La compagnie des auteurs sur France Culture. Quelle est la place de l'art finalement dans la vie de George Orwell? C'est vrai qu'on a l'impression, et on le comprend quand même en filigrane dans ce qu'on vient d'entendre ici, cet extrait de Pourquoi j'écris, lu par Raoul Guillet. La politique et d'abord le changement social avant l'esthétique. On l'a beaucoup reproché d'être un peu un niveleur, entre guillemets, de flatter un petit peu les lecteurs sur toutes ces questions. Quel est votre avis, Jean-Jacques Rosa? Alors, d'abord, cette idée de faire de l'écriture politique un art, c'est pas très fréquent. Orwell n'est pas un écrivain engagé, c'est pas un écrivain qui aurait été célèbre déjà et qui ensuite s'empare d'une cause. C'est pas non plus quelqu'un qui a une doctrine et qui se dirait, eh bien, je vais utiliser des moyens rhétoriques, des moyens littéraires pour faire passer cette doctrine. C'est quelqu'un qui se construit personnellement, ce que je disais tout à l'heure, à partir de son expérience, de ses expériences, dans ce qu'elles ont à la fois de physique, d'intellectuel, de morale, de rapport aux gens qui sont en face de lui, au visage, qui compte toujours beaucoup chez lui. Et l'élaboration de l'écriture, elle se fait à partir, et de l'écriture politique, elle se fait à partir de cette expérience-là, de ces expériences-là. Et c'est ce qui donne, c'est ce qui explique aussi le type de prose qu'il écrit. Qui n'est pas une prose sophistiquée, qui n'est pas une prose avec des phrases alambiquées, complexes, virtuoses. C'est au contraire tout un travail qu'il a fait pour s'efforcer à la clarté, à avoir une prose qui soit comme un carreau de fenêtre, dit-il. Ce qui, évidemment, choque énormément de gens, parce qu'il y a l'idée qu'il faudrait que la littérature existe en quelque sorte pour elle-même, soit une espèce d'entité en soi. Est-ce que c'est dans l'idée qu'il veut être lu par tous, ou est-ce encore autre chose? Alors, il y a ici le fait que Orwell, selon encore une petite formule, provocatrice, affirme clairement que tout art est de la propagande. Mmh. Alors, il dit bien tout de suite que c'est pas nécessairement de la propagande politique, mais il dit que tout artiste, un peu digne de ce nom, fait de la propagande, cherche à promouvoir une certaine vision du monde, une certaine manière. Et ça va jusqu'à Joyce. Quand il parle de Joyce, il admire énormément l'Ulysse, qu'il lit au début des années 30. Et il dit, Joyce est une espèce de pédant, d'accord, mais il a une vision du monde, et cette vision du monde, c'est celle d'un catholique qui comprit qu'il n'y a pas de Dieu. Mmh. Et alors, à quoi ressemble le monde quand on est dans cet univers-là? Et le personnage de Bloom le fascine, parce que Bloom, c'est un homme ordinaire, bien entendu. Et donc, l'idée de l'art pour l'art est quelque chose qu'il refuse complètement. Il y a un essai important qu'il écrit juste avant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle « Dans le ventre de la baleine », et où il essaie de décrire ce qu'ont été les attitudes par rapport à la politique des écrivains britanniques principalement dans les années 20 et 30. Et il dit qu'il y a deux attitudes. Il y a l'attitude de ceux qui font de l'art pour l'art, qui écrivent au sens intransitif du terme. Bon. Et il n'y croit pas, il n'y adhère pas. Et en même temps, il y a ceux qui ont voulu être des écrivains engagés, mais avec le risque, bien entendu, de mettre leur plume au service d'idées, supérieures ou d'idées extérieures, et de détruire la littérature et de se trahir eux-mêmes. Et donc, tout son problème, c'est comment garder les deux à la fois, c'est-à-dire le fait qu'il y a une vision du monde, il y a des choses qu'on a envie de dire, mais faut que ça soit les siennes. Alors justement, on va écouter un extrait du Quai de Wigan pour voir et entendre un petit peu cette prose orwellienne. Après m'être dûment attifé chez un ami, je m'enfonçai dans les quartiers est de Londres et finis par m'arrêter devant un lodging house à dortoir de Limehouse Castaway. L'endroit était sombre et sentait la saleté. Je ne l'identifiais que grâce à l'écriteau placardé à l'entrée qui disait « Bon lit pour messieurs seuls ». Dieu, quel effort sur moi-même n'ai-je pas dû faire pour me décider à en franchir le seuil. Cela me paraît aujourd'hui ridicule. Mais voyez-vous, je n'avais pas encore perdu ma vieille hantise de l'ouvrier. Je voulais rencontrer des ouvriers, je voulais même devenir un des leurs, mais je continuais à les considérer comme une espèce étrangère et dangereuse. M'engageant dans les trois couloirs mal éclairés, j'avais l'impression de m'enfoncer dans quelque immonde lieu souterrain. Un égout, peuplé de rats, si vous voulez. J'entrai, prêt à faire usage de mes poings. Les gens là-dedans allaient immédiatement s'apercevoir que je n'étais pas un des leurs, et en déduire aussitôt que j'étais venu les espionner. Ils allaient se jeter sur moi et me flanquer dehors, sans ménagement. Voilà ce que je m'imaginais. Extrait du Quai de Wigan, lu ici par Hervé Pierre. Qu'est-ce qui n'appartient qu'à Orwell, Jean-Jacques Rosa, dans l'extrait qu'on vient d'entendre? Est-ce que c'est ce mélange de haine de soi et en même temps de volonté d'aller, entre guillemets, au contact de ce qui doit lui faire peur d'une certaine manière, c'est-à-dire l'altérité, et puis une altérité dont il sent bien qu'il faut qu'il la comprenne? Qu'est-ce qui est très orwellien? Ben, je dirais le souci du choc avec la réalité, de l'affrontement ou de se colter à la réalité. Donc, ça n'est pas naturel. Et là, à la réalité sociale, qui se force, bien sûr, qui se force. Mais en même temps, alors la suite du texte, c'est qu'effectivement les types vont absolument se moquer éperdument de son accent de Wheaton et lui taper sur l'épaule et lui dire mon pote. Et là, il comprend soudain, ça fonctionne comme une petite révélation pour lui, que à un certain niveau de la société, c'est-à-dire tout en bas de la société, et bien finalement, il y a une sorte de solidarité humaine, de reconnaissance humaine qui fonctionne, une espèce de, comme il dit quelque part, le tuf de la vie humaine qui est là. Et ça n'existait pas à Eton. Et certainement pas. On sait que sa scolarité a été difficile, et peut-être un petit peu pour ça aussi. Peut-être qu'il n'a pas senti justement une solidarité ou quelque chose qui pourrait ressembler à des rapports humains vrais, entre guillemets, durant sa scolarité à Saint-Cyprien et à Eton. Est-ce qu'on peut voir là, alors sans faire de psychologie, aussi une explication? C'est un peu difficile, c'est un peu spéculatif, parce que sur Eton, on ne sait pas énormément de choses. On sait des choses, mais pas énormément. On en sait davantage sur Saint-Cyprien, là où il était avant, entre 9 et 13 ans, si mes souvenirs sont bons. Parce que c'était une espèce d'internat, c'était une institution totale, Saint-Cyprien. Je dirais pas totalitaire, mais une espèce d'institution totale dans lequel on cherche à formater l'individu par son comportement physique et en même temps son comportement mental et moral, avec des formes d'humiliation, etc. S'il y a une expérience, et il n'en a parlé qu'à l'extrême... En tout cas, ça crée un rejet quand même de cette classe-là. S'il y a une expérience qui a été extrêmement forte pour lui dans son souci d'indépendance et de sortir du moule ou des moules dans lesquels on voulait l'enfermer, c'est peut-être celle-là. Jean-Jacques Rosa, vous restez avec nous évidemment, on va continuer de parler des engagements d'Orwell et notamment de la guerre d'Espagne juste après, en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, avec vous aujourd'hui, Mayalen Berasategui, bonjour. Bonjour. Mayalen Berasategui, critique littéraire et spécialiste de la comtesse de Ségur. Votre sujet d'aujourd'hui est tout à fait en lien avec notre invité, puisque vous avez relu la correspondance d'Orwell que Jean-Jacques Rosa a édité chez Agon en 2014, et en particulier une lettre dont vous souhaitez nous lire un extrait. Elle a été envoyée au rédacteur en chef du Times par Orwell le 12 octobre 1942. Et elle concerne des prisonniers allemands qui avaient été enchaînés. Oui, alors en fait, c'est une lettre qui est écrite juste après le raid des Canadiens et des Britanniques sur Dieppe, qui a été un échec total. C'est un moment où la guerre s'est enlisée, il y a eu beaucoup de morts, 1900 prisonniers canadiens, et donc c'est vraiment la panique totale. Et les Canadiens se disent... on va peut-être commencer à faire comme les Allemands, on va peut-être commencer à leur faire peur. Et donc tout ça apparaît dans les journaux et Orwell se dit « Est-ce que ça fait râler quelqu'un ?» Ça ne fait râler personne. Donc il écrit au rédacteur en chef du Times pour expliquer sa manière de voir. On vous écoute. Merci. « Si nous enchaînons des prisonniers allemands en réponse à une action similaire des Allemands, nous nous abaissons, en tout cas aux yeux des observateurs ordinaires, au niveau de nos ennemis. Il est incontestable, quand on pense à l'histoire des 10 dernières années, qu'il existe une profonde différence morale entre la démocratie et le fascisme. Mais si nous suivons le principe d'un œil pour un œil et une dent pour une dent, le résultat en sera simplement que cette différence sera oubliée. En outre, pour ce qui concerne la férocité, il est peu probable que nous parvenions à l'emporter sur nos ennemis. Comme vient de le proclamer la radio italienne, le principe fasciste est deux yeux pour un œil et toute la dentition pour une dent. À un moment ou à un autre, l'opinion publique en Angleterre bronchera devant les implications de cette déclaration et il n'est pas très difficile de prédire ce qui va se passer. En représailles à notre action, les Allemands vont enchaîner davantage de prisonniers, nous serons obligés de suivre en enchaînant davantage de prisonniers que l'Axe, et cela continuera de la sorte jusqu'à ce que, logiquement, tous les prisonniers des deux camps se retrouvent enchaînés. Dans la pratique, évidemment, nous finirons par être les premiers dégoûtés de ce processus et nous annoncerons que nous cessons d'enchaîner, ce qui laissera presque certainement plus de prisonniers britanniques qu'allemands dans les chaînes. Nous aurons agi ainsi de manière à la fois barbare et faible, portant atteinte à notre bonne réputation sans parvenir à terroriser l'ennemi. Donc ce que dit Orwell, c'est, il faut leur dire, on va s'en souvenir au moment du traité de paix. Et donc il conclut en disant, en ce moment, ce n'est sans doute pas une réponse bien satisfaisante, mais je dirais que pour quiconque y repensera dans 3 mois, cela apparaîtra bien mieux que ce que nous faisons en ce moment. Donc au fond, pour Orwell, il vaut mieux être battu par l'ennemi que de devenir aussi méprisable que ce même ennemi. Mais c'est compliqué parce que d'un côté, il n'est pas du tout pacifiste au sens où il dit par exemple que Gandhi en Inde permet au gouvernement britannique de maintenir le régime colonial précisément parce qu'il refuse de faire usage de la violence. Et dans le même temps, dans la ferme des animaux, toute la question c'est à quel moment les animaux peuvent agir pour que ça ne dérape pas. Donc il y a toujours cette question du tournant chez Orwell, et là pour lui c'est manifestement un tournant dans la guerre. C'est un moment où on peut devenir comme l'autre, et ce qui est important c'est de ne pas devenir, de saisir ce moment précisément. C'est ça Jean-Jacques Rosa, finalement la violence elle est possible, mais il faut savoir jusqu'où chez Orwell. La violence, elle est inévitable, les hommes étant ce qu'ils sont et le monde étant ce qu'il est. Mmh. Enfin, une fois qu'on a dit ça... Bon, autrement dit, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'en 1939, il n'est pas pacifiste. Or, un certain nombre de ses amis politiques des années précédentes le lui ont beaucoup reproché et il polémique avec vigueur contre les anarchistes pacifistes en 1942 dans la Partisan Review en leur disant « vous faites le jeu littéraire ». Tout simplement. C'est objectif et c'est comme ça. Mais en même temps, la question c'est comment rester humain, comment rester digne, comment traiter dignement l'autre en face, même s'il ne se conduit pas de manière digne. On rejoint l'histoire du pantalon et du fasciste de tout à l'heure, évoqué par Semprin. « Je suis venu combattre », c'est ce qu'il dit exactement dans ce texte, Orwell, c'est « je suis venu combattre les fascistes », mais pas un type qui enlève son pantalon. Voilà. Donc, je reste face à un homme. Et à quel moment la violence est nécessaire? Il est même, il y a des textes où il est contre les pacifistes et où il justifie les bombardements de populations civiles en Allemagne. Il justifie aussi le fait que des femmes et des hommes de plus de 40 ans meurent dans le Blitz, oui, en disant que finalement c'est la même chose que les soldats qui sont sur le front. Absolument. Donc il peut être extrêmement dur et paraître même scandaleusement aux yeux de certains dur, mais en même temps c'est l'idée, ce qui lui importe c'est ne traitons pas les Allemands comme des uns, comme on les a traités pendant la Première Guerre mondiale. Et un des soucis qu'il aura tout de suite à la fin de la guerre, c'est n'écrasons pas l'Allemagne, ne recommençons pas comme à l'époque du traité de Versailles, etc. N'humilions pas l'adversaire. Se battre avec la pire violence si c'est nécessaire, mais sans humiliation et en gardant autant qu'il est possible une forme de respect. Mais alors précisément, c'est dans cette limite à peu près impossible à saisir que résident sans doute les critiques et les incompréhensions vis-à-vis d'Orwell, parce que au fond, on peut l'interpréter un petit peu comme on le souhaite. Enfin, si on est de mauvaise foi. Je dirais qu'Orwell est un moraliste. Moraliste ne veut pas dire moralisateur, hein, entendons-nous bien, mais il est un moraliste au sens où, toute proportion gardée, évidemment, entre Orwell et eux, mais Montaigne ou La Bruyère ou un certain Nietzsche sont des moralistes. C'est quelqu'un qui réfléchit sur les mœurs humaines, sur les conduites humaines, et qui cherche à les regarder telles qu'elles sont, à ne pas se raconter d'histoire. Il n'y a rien de pire pour lui que l'auto-illusion, hein. Mais en même temps, qu'est-ce qui permet de rester humain et de gagner en dignité? On va retrouver cette question-là à propos de l'Espagne d'ailleurs. La only difference between one crazy man and Dali is very simple. Dali is not crazy at all. Allez, on continue. continue à parler d'Orwell dans la compagnie des auteurs. Nous sommes avec le philosophe Jean-Jacques Rosa pour réfléchir sur l'engagement politique de l'auteur d'Hommage à la Catalogne. Tout étranger qui servait dans les milices passait ses premières semaines à apprendre à aimer les Espagnols et à être exaspéré par certains de leurs traits de caractère. En ce qui me concerne, l'exaspération alla parfois jusqu'à la fureur. Les Espagnols sont capables de beaucoup de choses, mais pas de faire la guerre. Ils plongent dans la consternation tous les étrangers sans exception par leur incompétence et surtout par leur inexactitude, à rendre fou. Le seul mot espagnol qu'un étranger ne puisse pas ne pas apprendre, c'est « mañana », demain, littéralement « demain matin ». Dès qu'il en existe la moindre possibilité, les occupations du jour sont remises à « mañana ». Très si notoire que les Espagnols eux-mêmes en plaisantent. Rien en Espagne, qu'il s'agisse d'un repas ou d'une bataille, n'a jamais lieu à l'heure fixée. En retard dans la généralité des cas, mais de temps en temps, si bien que vous ne pouvez même pas tabler sur le retard présumé, en avance. Un train qui doit partir à 8 heures part normalement entre 9 et 10 heures, mais une fois par semaine peut-être, en vertu de quelques caprices personnels du mécanicien, il part à 7h30. Ce sont de ces choses qui risquent de vous contrarier un peu. En principe, j'admire plutôt les Espagnols de ne pas partager notre nordique névrose du temps. Une lecture par Catherine Laborde. Alors c'est un peu anecdotique hein, et pas forcément très agréable à l'endroit des Espagnols, ce qu'on vient d'entendre. On peut peut-être voir ça comme un exemple du fait qu'Orwell reste au niveau du concret, de l'ordinaire, même dans les moments les plus tragiques de l'histoire. On peut y voir aussi un trait d'humour. Comment vous entendez-vous cette lecture qu'on vient d'entendre justement? Il y a évidemment une forme d'humour qui est présente dans une grande, dans beaucoup de pages d'Hommage à la Catalogne, une petite distance aussi. Il est le Britannique qui arrive avec ses habitudes et qui se heurte à la réalité espagnole, en plus dans une guerre civile avec des anarchistes, etc., etc. Bon, en même temps, il y a d'autres passages d'Hommage à la Catalogne où il rend hommage à la, au sens de la dignité, au sens de la liberté. Au sens de l'indépendance des Espagnols, à leur générosité aussi. Donc, voilà. C'est... Des Espagnols ou des Républicains, d'ailleurs? Bah, ils ne rencontrent que des Républicains. Les fascistes, ils sont, ou les franquistes, ils sont en face et ils lui tirent dessus. Ouais. Alors, on peut reprendre un petit peu l'histoire, justement, d'Orwell et la guerre d'Espagne. Comment décide-t-il, pour commencer, d'aller là-bas? Nous sommes en 36, fin de l'année 36, décembre 36. Orwell est déjà quelqu'un, d'une certaine manière, dans le monde politico-intellectuel, journalistique, en tout cas, de la gauche anglaise. Il a 5 bouquins derrière lui. Et puis, il vient de s'engager et de dire « Eh bien, je suis résolument socialiste ». Et je pense que pour lui, il y a une espèce d'évidence, c'est que si on dit qu'on est socialiste, eh ben, il faut faire barrage au fascisme. Ce qu'il craint plus que tout, bien entendu, comme beaucoup de gens à l'époque, c'est le triomphe du fascisme, y compris en Angleterre. C'est une chose qui l'inquiète, qu'une espèce d'austrofascisme à la faveur d'une guerre s'installe en Angleterre. C'est quelque chose qui l'inquiète beaucoup, qui le rend plutôt passif, enfin, anti-militariste à ce moment-là. Mais l'idée, bah, il faut pas que ce fascisme-là gagne. Je pense que c'est assez évident. Et en même temps, il y a évidemment un désir, je dirais, littéraire, d'aller voir comment c'est et d'aller raconter comment c'est. Alors d'abord, il passe par Paris où il rencontre Henry Miller, qui lui dit qu'il faut vraiment être un crétin pour se rendre en Espagne à un moment pareil. Donc Miller lui dit que bon, on peut aller en Espagne par curiosité purement égoïste, mais alors aller se fourrer dans ce genre d'endroit parce qu'on se sent le devoir d'y aller est une pure imbécilité. Bon, je sais pas ce que vous pensez de ce que disait Miller, mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que le sens du devoir, ça, c'est très orwellien. Évidemment, oui. Oui, c'est, mais dans le ventre de la baleine, d'ailleurs, il reprochera à Miller, qu'il admire comme un écrivain de la réalité, justement, du quotidien, de l'homme ordinaire. Déjà, il lui reprochera de s'enfermer dans le ventre de la baleine. C'est le ventre de la baleine, c'est celui où on est à l'abri des tempêtes et du monde extérieur, comme Jonas pendant les 3 jours où il est bien tranquille. Alors en Espagne, il s'engage d'abord dans la milice du PUM, le parti ouvrier d'unification marxiste. Et là, il n'est pas George Orwell l'écrivain, il n'est pas George Orwell le journaliste, il est Eric Blair l'épicier. Et ça, c'est très important pour lui. Il est Eric Blair, l'ancien gendarme qui a une formation militaire. La différence entre lui et une bonne partie des jeunes recrues espagnols avec lesquels il se bat, c'est que lui sait manier un fusil. Alors des fusils, ils n'en ont pas beaucoup, ils en ont très mauvais, mais il a une petite formation militaire. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il s'énerve contre les Espagnols, c'est parce qu'il a une petite idée. Sa formation, d'abord j'imagine dans les public schools anglaise, pendant la Première Guerre mondiale, on devait faire du maniement d'armes. Et ensuite, pour entrer dans la police coloniale, il fallait aussi savoir manier les armes. Donc, il arrive avec une petite formation militaire. Non, il ne sait pas faire marcher les mitrailleuses. Il demande avec énergie, apprendre à manipuler une mitrailleuse. Mais il arrive en Britannique. Orwell n'est pas un internationaliste pur au sens où c'est pas un cosmopolite. C'est un internationaliste, mais pas cosmopolite. Il est anglais. Il est anglais. Il est patriote anglais. En tout cas, il le sera clairement à partir de 39. Et il vient en tant que Britannique aider, et contribuer, se battre aux côtés des Espagnols. Mais il entend bien rester le Britannique qu'il est, même si évidemment avec un petit dictionnaire il apprend l'espagnol. Alors une semaine après son arrivée en Espagne, il est envoyé sur le front d'Aragon, à près de 400 kilomètres à l'ouest de Barcelone. Il ira aussi sur le front à Huesca, à 40 kilomètres encore un peu plus au nord de ce premier front d'Alcubierre. Et au fond, il n'y fait pas grand chose et il s'y ennuie surtout. Il y a comme un désir d'héroïsme, un désir de romantisme chez Orwell, qui regrette finalement qu'il ne se passe rien, qu'il n'y ait pas réellement de combat. Où sont les fascistes finalement ? Un désir d'efficacité, d'abord. Je ne sais pas si c'est du romantisme, mais il est venu pour se battre. Il n'est pas venu pour regarder à 700 mètres la tranchée d'en face et échanger des balles perdues. Donc, il souffre de cela et il se met à décrire le quotidien de la vie dans les tranchées d'Aragon, c'est-à-dire le froid d'abord, l'inconfort, l'humidité, la pénurie de tout. Et c'est cela, ce sont ces sensations-là, quand il parle des sensations, ce sont ces sensations-là qu'il décrit. Mais comme il l'explique, c'est à travers ces sensations-là aussi ce manque de tout qu'il va trouver cette égalité révolutionnaire, cette société sans classe, dont il sait très bien que dans la vie réelle en dehors de ce genre de situation exceptionnelle, ce serait beaucoup plus compliqué à réaliser. Mais il a le sentiment à ce moment-là, et c'est quelque chose qui va rester très fort en lui, que l'abolition des barrières de classe, dans certaines circonstances, est possible. Mais est-ce qu'elle existe vraiment, cette abolition des barrières de classe, ou est-ce que c'est surtout dans l'imagination d'Orwell que, pendant la guerre, ouvriers et bourgeois, finalement, étaient sur un même pied d'égalité, que tout le monde se tutoyait ? Est-ce que ça a vraiment existé, selon vous ? Je n'en sais rien. L'important, c'est qu'il le voit comme ça, qu'il le vit comme ça, et que ça va rester une expérience, non pas on doit réaliser cela demain, etc., mais comme une possibilité humaine. Il y a une possibilité humaine d'égalité. Et il y a un texte qui, moi, en relisant Hommage à la Catalogne pour préparer cette émission, à la fin du livre, il dit « Cette guerre à laquelle j'ai pris une part si inefficace m'a laissé des souvenirs qui, pour la plupart, sont de mauvais souvenirs. Et cependant, je ne puisse souhaiter ne pas en avoir été. » Quand on a eu un aperçu du désastre tel que celui-ci, il n'en résulte pas forcément de la désillusion et du cynisme. Il est assez curieux que dans son ensemble, cette expérience m'ait laissé une foi, non pas seulement non diminuée, mais accrue, dans la dignité des êtres humains. Parmi les mauvais souvenirs, il y avait notamment celui-là. Nulle part nous n'étions proches de l'ennemi. À cette distance, nos fusils n'étaient d'aucune utilité. Mais à cet instant, nous entendîmes des cris de surexcitation. Deux fascistes, semblables de loin à des figurines grisâtres, étaient en train de grimper à quatre pattes le versant dénudé de la colline en face de nous. Benjamin se saisit du fusil de l'homme le plus proche, visa et pressa la détente. Clic. La cartouche rata. Cela me parut de mauvais augure. Les nouvelles sentinelles ne furent pas plus tôt dans la tranchée qu'elles entamèrent une terrifiante fusillade au petit bonheur, sans viser rien en particulier. Je visais les fascistes aussi infimes que des fourmis qui se jetaient de côté et d'autre derrière le parapet. Parfois un point noir, qui était une tête, s'immobilisait un instant, s'exposant avec insolence. De toute évidence, il ne servait à rien de tirer. Mais au bout d'un petit moment, la sentinelle à ma gauche, abandonnant son poste à la façon typique des Espagnols, se coula près de moi et se mit à me presser de tirer. J'essayais de lui expliquer qu'à cette distance et avec de tels fusils, on ne pouvait toucher un homme que par le plus grand des hasards. Mais ce n'était qu'un enfant. Et il n'arrêtait pas de me faire signe avec son fusil de tirer sur un de ses points noirs, et il grimaçait en montrant les dents avec l'air de convoitise d'un chien qui attend qu'on lui jette un caillou. Je finis par mettre la hausse à 700 mètres. Je lâchai le coup. Le point noir disparut. J'espère que ma balle a passé assez près de lui pour lui avoir fait faire un saut. C'était la première fois de ma vie que je tirais un coup de feu sur un être humain. Une lecture par Jean Menot, La guerre d'Espagne, Jean-Jacques Rosa, c'est donc le moment, on vient de l'entendre, de toutes les prises de conscience et de toutes les expériences, y compris évidemment les pires. Mais là encore, il sait bien qu'il est là pour tirer sur les fascistes, et en même temps, c'est la première fois qu'il tire sur un être humain, et il espère l'avoir raté. Alors il sera à deux doigts d'être engagé dans les brigades internationales, il va renoncer provisoirement. Il va finir par être touché par un tir ennemi au point de se croire mort. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui a compté par la suite. En réalité, n'est touché qu'à la gorge et il s'en sortira. Il est déclaré inapte et ne retournera pas au front. La balle est passée à quelques millimètres de l'aorte. Oui. Alors il réclame à ce moment-là son certificat de démobilisation et il se met à écrire la guerre. C'est donc ce reportage intitulé « Hommage à la Catalogne » qu'on peut lire aujourd'hui aux éditions 10-18, le livre à partir duquel il entend faire de l'écriture politique, on l'a dit, un art à part entière. On est là à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Il est donc dans un état d'esprit dans lequel il n'aurait pas été à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, avant d'écrire 1984, avant d'écrire « La ferme des animaux », s'il n'était pas passé par ces expériences-là. Jean-Jacques Rosa. Oui, mais vous omettez quelque chose d'essentiel. C'est ce qui s'est passé à Barcelone. D'abord en mai, le combat des communistes pour prendre la main, le dessus sur les anarchistes. Et surtout, le fait qu'à partir du 15 ou 16 juin, le POUM est interdit, que tous les miliciens du POUM, y compris étrangers, y compris britanniques, sont systématiquement arrêtés, et que Orwell, revenant à Barcelone, rentrant à son hôtel, sa femme l'alerte, sauve-toi, planque-toi, parce que la police va t'arrêter si elle t'identifie. Et il va vivre comme un rat pendant 4 ou 5 jours, se planquant la nuit dans les églises en ruine ou dans les jardins publics, pour réussir à s'échapper. Et là, l'expérience qu'il fait, c'est plus celle de la fraternité, c'est celle de la terreur. Mmh. Et ça, il le dit... Il le dit très clairement. Aucun de ceux qui se sont trouvés à Barcelone à ce moment-là, ou durant les quelques mois suivants, ne pourra oublier cette atmosphère abominable engendrée par la peur, le soupçon, la haine, la vue des journaux censurés, les prisons bondées, les queues qui n'en finissaient pas aux portes des magasins d'alimentation et les bandes d'hommes armés rôdant par la ville. On est déjà Je veux dire, l'expérience qu'il va prêter à Winston Smith dans 1984, il l'a déjà faite d'une certaine manière pendant quelques jours, et il comprend à ce moment-là ce que c'est qu'un régime, enfin ce que c'est qu'un pouvoir totalitaire et un pouvoir terroriste, un pouvoir dans lequel il n'y a plus de loi et dans lequel on, il le dit aussi, on est menacé, non pas du tout parce qu'on aurait fait quelque chose de mal, mais parce qu'on est ce qu'on est, parce qu'on a combattu, on s'est retrouvé dans telle ou telle milice. Alors pour terminer à la fois cette émission et puis sur ce sujet de l'Espagne, je voudrais qu'on parle un peu de Claude Simon, parce que c'est tout de même assez étrange qu'une quarantaine d'années après la fin de la guerre d'Espagne, donc en 1981, celui qui va devenir prix Nobel de littérature publie un gros roman intitulé « Les Géorgiques » dans lequel il y a une espèce de rewriting, pourrait-on dire, du livre d'Orwell, « Hommage à la Catalogne ». Enfin bon, à l'époque, ça s'appelait « La Catalogne, Catalogne libre », ce n'était pas la même traduction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que Claude Simon cherche à faire en critiquant comme ça le projet de George Orwell ? Est-ce que pour vous, il y a une justification à cette espèce d'attaque ? Alors, comme on n'a plus que 5 minutes, j'essaierai d'aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est une destruction du livre d'Orwell. Et j'ai une immense admiration pour Claude Simon, qui est sûrement un des plus grands virtuoses de la prose française du XXe siècle. J'ai pas de doute là-dessus, un des plus grands écrivains français prosateurs du XXe siècle. J'ai aucun doute là-dessus. Mais toute sa virtuosité, il la met au service de deux choses. Expliquer que Orwell, en réalité, triche avec lui-même, dans Hommage à la Catalogne. N'est pas honnête avec lui-même. Il parle avec un rictus, il parle avec une bouche tordue. Sauf en certains moments, que Simon sauve, à sa manière. Et d'autre part, que c'est pas de l'écriture. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, entre parenthèses, non, il parle, plutôt il parle. Et Simon, sur les 100 pages, répète ça un certain nombre de fois. Et une des caractéristiques, je m'en tiendrai à cela, c'est que il reprend avec minutie toutes sortes d'épisodes auxquels il ajoute, il brode, remarquablement d'ailleurs, c'est avec une imagination et un réalisme en même temps sur certaines choses qui sont très impressionnants. Mais il efface systématiquement tout ce qui est d'ordre moral. Les gestes justement de générosité, la poignée de main de l'aide de camp du général qui se rend compte qu'Orwell est un type du poum et qu'il faudrait surtout pas, et qu'en fait il pourrait le faire arrêter, mais il le fait pas, et il lui donne une poignée de main. Là, la poignée de main, elle disparaît. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière pour Claude Simon? Pourquoi finalement écrire ces pages-là? Alors ça, je ne suis pas simonien, je ne suis pas spécialiste de Simon, je n'en sais rien. C'est difficile quand même de ne pas voir là la lutte de la haute littérature ou de la grande littérature face à une littérature populaire, en tout cas qui ne prétend pas être de la grande littérature, d'une part. D'autre part, c'est un refus, à mon avis, de la littérature politique. Parce qu'en même temps, il lui dit « Ah oui, mais après il fait des chapitres dans lesquels il y a des sigles, etc. On se perd dans les sigles, c'est comme des symboles chimiques, personne ne comprend rien. » Oui, sauf que avoir le sigle « Poum » sur un papier d'identité pour Orwell, c'était un arrêt de mort, et le sigle comptait. Merci beaucoup Jean-Jacques Rosa. Et je rappelle que nous vous devons l'édition de la correspondance d'Orwell entre 1903 et 1950 sous le titre Orwell, une vie en lettres. On vous doit également l'édition des écrits politiques d'Orwell ainsi que de ses chroniques à ma guise. Tout cela chez l'éditeur marseillais Agone. Cette émission n'aurait pu avoir lieu sans Stéphanie Vélin, Laurence Genepin, Laurence Millet, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Élise Leu. Demain, notre dernier numéro de cette série portera sur un Orwell retiré dans les îles Hébrides. Ce sera avec l'écrivain Jean-Pierre Martin.